Bonjour à tous, très chers auditeurs, et bienvenue sur Radio Gémozo, pour l'instant santé bien-être avec les secrets de Mathilde. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du pouvoir de la pensée positive. Augmentez votre bonheur grâce aux suggestions positives. La méthode du psychologue Émile Coué n'est plus à prouver. Il s'agit du pouvoir d'autosuggestion, c'est-à-dire ancrer dans son esprit des mantras positifs pour se programmer. Il suffit de répéter 10 fois de suite et 3 fois par jour, tous les jours et à tout point, « je vais de mieux en mieux » ou toute phrase de votre choix. Attention, je ne vous dis pas là de refouler vos émotions en vous mentant à vous-même, mais cela est un outil qui vous aidera à être plus optimiste et vous aidera à vous sentir mieux. La pensée positive abaisse le niveau de stress, améliore votre système immunitaire et votre santé cardiovasculaire. Autrement dit, elle booste votre bien-être. Plus vous êtes positif, plus vous êtes en bonne santé. Je vais vous donner quelques idées de mantras positifs à adopter. J'apprends de toutes mes expériences. Je peux et je vais le faire. Je suis positif en toutes circonstances. Ma vie a des possibilités infinies. Vous pouvez bien sûr créer vos propres phrases et même les écrire sur des post-it, puis les coller sur votre ordinateur, dans votre cuisine, au bureau, pour qu'elles soient accessibles à vos yeux. Qui dit pensée positive dit sourire. Quand vous souriez, vous vous sentez tout de suite moins stressé. Quand vous souriez, votre cerveau libère des endorphines, les hormones du bien-être. Quand vous riez, vous libérez l'énergie négative grâce à l'hormone du plaisir, la dopamine. Et la sécrétion de celle-ci coupe la sécrétion de l'hormone du stress. Au niveau du corps physique, sourire détend tous les muscles de votre visage. Alors souriez sans limite. Lancez-vous le défi de sourire 10 fois par jour. Vous vous apercevrez rapidement que les bienfaits positifs de ce geste quotidien est à adopter. Cultivez vos pensées positives grâce à la gratitude, qui signifie simplement être reconnaissant de tous les petits bonheurs que la vie vous offre. Des choses simples, comme admirer un coucher de soleil, prendre un bain chaud, faire la sieste. Appréciez la vie, appréciez ce que font les autres pour vous, appréciez ce que vous avez et ce que vous êtes. Chaque matin, avant même de vous lever, laissez vos yeux fermés et visualisez votre journée de manière positive. Les tâches que vous allez accomplir, les moments de calme et de détente. Laissez défiler dans votre esprit l'intégralité de votre journée de manière positive. Et votre vie va ressembler à un voyage positif. Le bonheur et la joie se trouvent dans des petites choses simples. Passez une excellente journée. Si vous voulez suivre mes aventures et petits conseils quotidiens, n'hésitez pas à vous rendre sur ma page Facebook Les Secrets de Mathilde. Très douce journée remplie de positif. À vendredi prochain sur Radio Gémozo à 8h et à 13h30.